Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour votre émission préférée. Cette émission, est bien sûr, elle porte un nom, elle s'intitule « Dansez maintenant ». Voilà ce qu'on vous propose pour cette heure de plaisir. Dansez maintenant avec, au générique, bien sûr, la chroniqueuse Arlette et le chroniqueur Christophe Pesset qui vous parleront respectivement d'un chanteur ou d'une chanteuse, on ne sait pas, et puis peut-être aussi d'un accordéoniste. Allez savoir. Dansez maintenant. Sorgia FM. Une émission placée aujourd'hui sous le signe de la country music. Allez, on va en profiter tout au long de cette émission de ces airs américains, tout simplement. Allez, avec Jolly Jane pour commencer. Tu Encore quelques airs de banjo et puis on se retrouve avec Christophe Pesset et la rubrique Accordéon Nouvelle Vague. FM. Merci Hubert. Alors cette semaine, eh bien, je vous propose de faire un petit peu des kilomètres. Direction le sud-ouest de la France. Direction le passage d'Agen, c'est dans le Lot-et-Garonne. Nous avons rendez-vous eh bien, avec un chef d'orchestre, accordéoniste également. Il s'appelle Michel Cabaret, extrait des Doigts s'amusent, son dernier album. Et ce morceau, une samba, s'appelle Tico Tico. La suite de la rubrique de Christophe, c'est bien sûr tout à l'heure. On retrouvera bien sûr Christophe avec grand plaisir. Voici Arlette. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert, bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Bonjour Arlette, et de qui parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, comme chaque semaine, nous voici réunis. Et c'est un vrai bonheur. C'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand monsieur que nous connaissons tous, puisqu'il s'agit de Michel Delpech. Sans doute un de mes chanteurs de variété préférés. Né en 1946, il est auteur, compositeur, interprète. Son enfance, tranquille et douce, passée en Sologne dans une famille de viticulteurs. Un jour, dans le train qui l'emmène à Paris, il repense à ses années de lycéen et au café où ses camarades et lui se retrouvaient après les cours. Et c'est là qu'il écrit les paroles de son premier tube, Chez Lorette, pour lesquelles Roland Vincent, séduit et inspiré, a vite fait de trouver une mélodie, sortie en 1965. Chez Lorette, Michel Delpech. À sa façon de nous appeler ses gosses,

Sorgia FM. À ma fenêtre, je repense aux souvenirs de nos vacances, lorsque nous étions, toi et moi, dans ce chalet de la Clusaz. Alors j'en oublie la distance, je revois avec innocence un grand balcon chargé de fleurs, cher à mon cœur. Les longs sentiers dans la montagne et le doux parfum des gentianes, les sapins baignés de soleil, les paysages sans pareil, le chant des oiseaux m'accompagne lorsque la nostalgie me gagne. Alors là-haut près des rochers, je vais rêver. Mais dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Sur les trottoirs on se bouscule, et lorsque vient le crépuscule, là dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Dans le vieux square des nuées de fleurs, les arbres pleurent. Alors tout se fige et je pense aux souvenirs de notre enfance, quand nous montions tout près du ciel par les neiges éternelles. Nous aurons peut-être la chance que pour nos prochaines vacances, nous nous retrouverons, toi et moi, à la Clusaz. Mais dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Sur les trottoirs on se bouscule, et lorsque vient le crépuscule, là dans ma ville de béton, mes souvenirs sont dans un carton. Dans le vieux square des nuées de fleurs, les arbres pleurent. Nous nous retrouverons, toi et moi, à la Clusaz. Christophe Pesset sur Sorgia FM. Michel Cabarel et Doigts s'amusent. Alors on poursuit maintenant, place à la Java. Et vous savez que dans la Java, les messieurs ont droit de mettre les mains sur les fesses de madame. Je n'en dis pas plus. Allez, le petit bal du samedi soir. We'll be right back. j'espère que messieurs, vous n'en avez tout de même pas trop profité, parce qu'après, sous prétexte que Christophe a dit, voilà, ça prend des ampleurs. Non, non, non, arrêtons là. Place maintenant à la valse Le Réveil du Merle. C'est toujours Michel Cabaret que l'on écoute. Allez, on fait un petit peu de place dans la salle à manger et c'est parti. En 1967, Johnny Stark, l'impresario de Mireille Mathieu, le prend en main et l'aide à se forger une image de vedette. En 1968, il obtient le grand prix du disque de la chanson française avec « Il y a des jours où on le ferait mieux de rester au lit ». Eh oui ! Ce matin, je me suis levé du pied gauche et j'ai posé mon pied sur un tapis de clous au lieu de le poser sur ma descente de lit. Ce matin, je me suis levé du pied gauche et j'aurais bien aimé rencontrer le voyou qui avait mis une sirène sur ma table de nuit. Il y a des jours où tout va mal, des jours où rien ne réussit. Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit. Ce matin, j'ai voulu petit déjeuner, j'avais à peine mis mon sucre dans ma tasse qu'il avait déjà bu tout mon café au lait. matin j'aurais bien voulu étrangler celui qui a dessiné des cornes sur ma glace, car je n'ai jamais vu plus dur à effacer. Il y a des jours où tout va mal, des jours où rien ne réussit. Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit. À 7h j'ai voulu faire le dîner, je me suis aperçu en ouvrant les oursins que c'était un hérisson que j'avais dans les mains. Excédé, je partis faire un tour au bois, mais mon auto roula sur un pauvre hérisson. Je découvris alors que c'était mes oursins. Il y a des jours où tout va mal, des jours où rien ne réussit. Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit. Il y a des jours où tout va mal, des jours où rien ne réussit. Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit. Il y a des jours où tout va mal, des jours où rien ne réussit. Dansons le tango. On danse en ligne, le pas de côté, et puis après la country music, on fait tout aujourd'hui. C'est le pas de côté, la danse de l'été. C'est le pas de côté, pour partir du bon pied. Quand tu veux te lever, la danse qui te plaît. C'est le pas de côté qui va te réveiller. Dans les magasins, quand tu fais les courses avec tes voisins, quand tu te ressources ou sur les chemins perdus dans la brousse, reprends donc ce refrain. dans les discothèques avec tes amis. Quand t'as un échec qui mine ta vie, reprendre le pas, même le guingois, c'est le pas de côté, yeah, c'est le pas de côté qui nous fait tous lever. C'est le pas de côté qui va nous emmener pour mettre de l'ambiance dans toutes tes soirées. Il n'y a qu'une danse, c'est le pas de côté. Quand tu fais les courses avec tes voisins, quand tu te ressources ou sur les chemins perdus dans la brousse, reprends donc ce refrain dans les discothèques avec tes amis. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Les guitares sont là, les lumières scintillent. On est réunis pour faire le même pas. Et la seule loi pour les gars et les filles, c'est de prendre plaisir et de danser comme ça. On est tellement bien quand le soir c'est la fête, que l'on aimerait que ça dure toujours, que ce rythme-là non jamais ne s'arrête, et que l'on danse encore jusqu'au petit jour. Texas Party, c'est notre passion. On aime tes chansons, on aime tes accords. Texas Party, c'est notre horizon. Notre joie de vivre et notre religion. Texas Party, Texas Party, Texas Party. À partir de 1973, il enchaîne tube sur tube, tels que Dieu, que Marianne était jolie, le chasseur, quand j'étais chanteur, le Loir-et-Cher. Et en 74, il sort Pour un flirt, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires. C'est ça le talent. Pour un flirt, Michel Delpech. Dans le sud-ouest, et j'oserais même dire, on va aller encore plus bas, direction la Jonquera. On passe maintenant et bien en Espagne avec un paso doble. Ce paso doble s'appelle Quand Gitan et c'est toujours interprété par Michel Cabaret. Allez, on y va, place au paso doble. Allez, les castagnettes et tout. Allez, c'est parti, le paso doble. Allez, c'est parti. Thank you. sûr, c'est maintenant. Sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Alors nous allons poursuivre avec cette fois-ci le Charleston, toujours Michel Cabaret. Alors bien sûr, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet accordéoniste, il a un site internet, michelcabaret.com. Place au Charleston, le danseur de Charleston. Oui, c'est terminé pour le Charleston et ça en est également terminé pour ma petite rubrique. Mais en tout cas, eh bien, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On n'a pas fait le tour de tous les accordéonistes de France, hein. Loin de là, on dit que l'accordéon, c'est peut-être bientôt fini. Eh bien, moi, je peux vous dire que non. En tout cas, eh bien, moi, j'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve la semaine prochaine. On termine avec Les Doigts s'amusent. plage de Corfou. Rose blanche, rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Rose blanche de Corfou. Pourquoi faut-il que le bateau s'en aille quand le soleil se lève encore dans le ciel bleu? Quand nous vivons le temps des fiançailles, pourquoi faut-il que vienne le temps des adieux? De Corfou, rose blanche, rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Rose blanche de Corfou, je reviendrai si tu as su m'attendre quand le printemps nous donnera le plus beau jour. Aucun bateau ne pourra me reprendre. Je resterai dans le pays de nos amours. Rose blanche de Corfou. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Don. On termine peut-être en douceur les chansons d'amour et si tu ne m'aimais plus. Pour toi, mon amour, je bâtirai des cathédrales avec des pierres de lune serties de mille étoiles. Brodé de velours, et je ferai de ta vie un grand paradis de tendresse, et tu deviendras pour moi la divine princesse de mes nuits. Mais si tu ne m'aimais plus, il ne me resterait rien qu'une vie sans lendemain, seule avec le chagrin de t'avoir perdu. Oui, si tu ne m'aimais plus, mon cœur tremblerait. Et pourtant, loin de tes bras, il ne battrait que pour toi, même si tu ne m'aimais plus. On prétend que le grand amour n'est qu'un bel oiseau bleu qui passe, que quelque part sur le sable et que la mer efface peu à peu chaque jour. mais je garderai toujours l'espoir de traverser tous nos orages. Et le temps n'écrira jamais la dernière page de notre belle histoire. Mais si tu ne m'aimais plus, il ne me resterait rien qu'une vie sans lendemain, seule avec le chagrin de t'avoir perdu. Oui, si tu ne m'aimais plus, mon cœur tremblerait de froid. Et pourtant, loin de tes bras, il ne battrait que pour toi. Même si tu ne m'aimais plus, et jusqu'au tout dernier combat, il ne battrait que pour toi. Même si tu ne m'aimais plus. Très très jolie chanson, on termine donc toujours en douceur. Je vous retrouve bien sûr avec toute l'équipe dès la semaine prochaine, même heure, même station. Merci encore pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Sorgia FM.